qui ont fait des millions ont fini par cerner mon attention. Et puis les voyages, d'autres paysages ont fait de moi un autre personnage. On a pas oublié les souvenirs. Si cela est terminé, la douce me fait plus défaire. Si cela est terminé, un nouveau jour s'est levé. La course au contrat, les promotions ne sont plus le moteur de mes actions. Fini les tensions, les propos bidons pour paraître capable et toute l'attention. J'en avais oublié les chaussures, les embouteillages, les baratinages, la course aux chiffres pour voir la plage. L'hypocrisie, enfin effacée, je me suis racheté une.